C'est une joie pour moi, chers auditeurs, de vous inviter à découvrir Jean-Baptiste, ce personnage très exceptionnel de l'Écriture sainte. Il a été à la fois mystérieux et influent, méconnu et renommé, banni de la société et populaire parmi les foules. Bref, un homme au saisissant contraste, mais surtout un serviteur de Dieu qui a joué un rôle décisif dans sa génération et par la suite. Après Daniel, Jérémie, Ézéchiel, et aussi Habacuc, Sophonie, Agé et Malachie, les prophètes d'Israël s'étaient tus. Tout simplement parce qu'Israël persistait dans son idolâtrie et ne les écoutait plus. Or, ce silence de Dieu allait se prolonger pendant 4 siècles, au point de devenir intolérable au peuple hébreu. Je me souviens que lorsque nous étions enfants et que nous avions fait quelques bêtises, mon père marquait sa désapprobation en gardant le silence. Ah, nous aurions préféré être punis, et il nous tardait de demander pardon pour que la relation se rétablisse. Or, Israël ne supportait pas non plus que Dieu ait cessé de lui parler. Mais, au lieu de s'humilier, il s'est donné alors des prophètes de son choix, s'imaginant ainsi entendre tout de même la voix de Dieu. Les 4 siècles précédant l'ère chrétienne ont vu naître des institutions religieuses traditionnelles qui se sont profondément implantées. Les prophètes ont été remplacés par les scribes, les sadducéens, les docteurs de la loi, les pharisiens, et ce sont leurs chefs qui ont fini par crucifier le Messie. Malachie, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, avait annoncé, autour de l'an 420 avant Jésus-Christ, la venue du précurseur du Messie, un messager qui devait préparer le chemin devant lui. Cet événement était si important que Malachie y est revenu à la fin de son livre dans ce qui constitue la conclusion de tout l'Ancien Testament. C'est Dieu qui parle. « Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Cette déclaration a donc débouché sur les 4 siècles de silence de Dieu. Et soudain, alors que l'immense majorité des Israélites n'y pensent plus, les derniers mots de l'Ancien Testament trouvent écho dans les premiers du Nouveau Testament. Non pas les premiers mots sur le plan littéraire, si l'on considère la forme actuelle du Nouveau Testament, qui pour nous s'ouvre avec l'Évangile selon Matthieu, mais les premiers mots sur le plan chronologique, ce qui nous amène au début de l'Évangile selon Luc, où je vous invite à ouvrir votre Bible. Zacharie et Élisabeth, ce couple que nous présente Luc 1, 5, sont de ceux qui refusent le statu quo du formalisme religieux. Comme Siméon, Anne et d'autres, ils attendent la délivrance de Jérusalem. Face à l'impiété générale, Zacharie et Élisabeth se tiennent près de Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 6. Une piété à laquelle leur douloureuse épreuve les a probablement amenés. Ah, chers amis, aujourd'hui encore, l'épreuve ne sert-elle pas souvent de catalyseur pour revigorer la vie spirituelle? Zacharie et sa femme auraient tant désiré avoir un enfant, mais Élisabeth est stérile. Or pour eux, le miracle va se produire, l'impossible deviendra possible, et le fils qu'ils n'espéraient plus naîtra. Zacharie le Lévite fait partie de la classe d'Abia, la 8e parmi les 24 officiant à tour de rôle dans le temple. Mais les prêtres sont si nombreux, ils étaient déjà 24 000 au temps de David, qu'ils n'ont peut-être même pas tous l'occasion d'offrir une fois dans leur vie le parfum sur l'autel d'or dans le sanctuaire. C'est donc un événement d'importance pour Zacharie lorsque le sort le désigne à cette fonction. Et Dieu choisit l'instant où Zacharie présente le parfum pour interrompre ce long silence du ciel, un ange lui apparaît et lui annonce la très prochaine naissance d'un fils, et cela dans les termes mêmes de la prophétie de Malachie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Luc 1, 17. Pour Zacharie, la nouvelle est si bouleversante qu'il réagit à l'annonce de l'ange et est frappé de mutisme en raison de son incrédulité. Aussi, à sa sortie du temple, les nombreux Israélites qui l'attendent découvrent que quelque chose d'inhabituel et de divin vient de se produire. Une impression confirmée par la suite lorsqu'on apprend qu'un bébé va naître dans ce foyer de vieux parents. Et toute la région en parlera lorsqu'à la naissance de son fils, Zacharie retrouvera l'usage de la parole aussi soudainement qu'il l'avait perdu. Chacun s'interroge alors. Que sera donc cet enfant ? Luc 1, 66. Son père Zacharie exprime lui le premier sa conviction à son sujet, verset 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Devant la face du Seigneur, c'est-à-dire devant le Fils de Dieu. Oui, Jean-Baptiste a marché devant Jésus-Christ pour préparer ses voies. Il a été le messager du Seigneur dont Malachie avait parlé. Mais pas un messager à la manière des diplomates, des nonces apostoliques ou des ambassadeurs d'aujourd'hui. Personne n'a étendu de tapis rouge devant lui. Tout au contraire, Jean-Baptiste a choisi les solitudes désertiques pour cathédrale. Exactement ce qu'Ésaïe le prophète avait annoncé 6 siècles plus tôt. Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ésaïe chapitre 40, verset 3, voire Marc chapitre 1er, versets 2 et 3. Jean-Baptiste se référera à cette parole lorsqu'une délégation de sacrificateurs de Jérusalem viendra l'interroger au désert pour lui demander « Toi, qui es-tu ? Es-tu Élie ? Es-tu le prophète ? Qui es-tu ? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même ?» Et Jean leur a répondu « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 19 à 23. Tous les prophètes en Israël ont été formés à l'école de Dieu. À combien plus forte raison, donc, le serviteur choisi pour marcher devant le Messie a-t-il dû, lui aussi, se soumettre à cette discipline du Père Céleste ? Jean n'a pas été conduit à l'université de Jérusalem, par exemple, au pied de Gamaliel, à la faculté de théologie. Il n'a pas non plus fréquenté le monastère essénien de Qumran, sur les rives de la mer Morte, pourtant relativement proche. Dès sa jeunesse, il est parti au désert, car nous lisons à son propos Luc 1, 80. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Or Jean-Baptiste n'a pas été le seul à être formé à l'école du désert. Moïse a plus appris en 40 ans au désert qu'en 40 ans de hautes études en Égypte. Le roi David a rencontré le Seigneur dans les privations au désert. Le prophète Élie a marché pendant 40 jours au travers du désert. Jésus-Christ lui-même a été tenté pendant 40 jours dans le désert. L'apôtre Paul, quant à lui, a consacré 3 années précieuses à sa formation dans le désert d'Arabie. Et quelles richesses spirituelles en sont-elles découlées pour son ministère ? Si Jean-Baptiste a été le plus grand des prophètes, c'est aussi parce qu'il ne s'est pas soustrait au désert, où il a mené une existence d'ermite, se conformant en tout aux lois juives du Naziréat que d'autres, comme Samson ou Samuel, avaient acceptées avant lui. Chers amis à l'écoute, il est des connaissances qui ne s'acquièrent qu'à l'université du désert. N'est-elle pas la seule habilité à forger les caractères et à délivrer le diplôme de gagneur d'âme ? Peut-être connaissez-vous en ce moment quelque chose du désert. Non pas une solitude de sable, mais quelques contrariétés morales, quelques souffrances physiques, quelques tensions spirituelles qui, en se prolongeant, vous usent. Et si le Seigneur voulait utiliser cette épreuve pour façonner en vous le caractère d'homme de Dieu, de femme de Dieu, et vous préparer à une mission pour lui? Notre génération n'a-t-elle pas besoin de messagers de l'Éternel, de Jean-Baptiste, d'hommes et de femmes qui ont le courage de leurs opinions, qui osent dévoiler le mal, comme l'a fait le précurseur du Messie à l'époque? Où sont aujourd'hui, où seront demain, les messagers de l'Éternel, les témoins de l'Évangile, les prophètes du Très-Haut, qui ne se laisseront pas neutraliser par la société de consommation, parce qu'ils consacreront aux réalités spirituelles la primeur de leur force et de leur temps? Où sont ceux qui, envoyés du Maître comme Jean-Baptiste, auront le courage d'annoncer Christ dans notre monde hostile? Jean-Baptiste a marché avant le Maître en le précédant. Il a témoigné au nom du Maître, il s'est tenu au pied du Maître, il a vécu comme le Maître, en vue du jour où il comparaîtra devant le Maître. Ces cinq étapes constitueront la trame de notre étude sur Jean-Baptiste que nous poursuivrons dans nos quatre prochaines émissions. Mes chers auditeurs, en attendant de vous retrouver à l'écoute, que le Maître de Jean-Baptiste, notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ, vous rencontre, vous forme à son service et vous bénisse richement.